Bonne fin d'après-midi avec Fadjet. Il est 17h. Fadjet. Plus qu'une radio. Une fois par mois, de 17h à 17h30, calez votre transistor sur Fadjet 94,2 en modulation de fréquence pour écouter un coup d'œil dans le rétro. Bonjour à tous, vous êtes sur Fadjet 94.2, on a de cesse de le répéter, ou sur fadjetw.net. Bienvenue dans notre émission Un coup d'œil dans le rétro. Une fois par mois, on vous décryptons toute l'actualité du rétro qui fait son grand retour depuis quelques années. On vous informe sur les tendances musicales, la mode, la déco, mais aussi les sorties, les loisirs au niveau local et national. En somme, une émission où vous parle du passé au présent. Ma partenaire de jeu depuis un an et demi déjà, eh bien c'est Anna. Bonjour à toi Anaïk. Bonjour à tous et bonjour François. Ça va bien? Ça va bien, merci. Alors quel va être le sommaire du jour? Alors au sommaire de cette dernière émission, effectivement avant les vacances, on avait envie de vous parler de soleil, de camping rétro, d'automobile et plus particulièrement du combi, le combi Volkswagen. On avait aussi envie de vous parler de mode, du retour en fait du look gypsy. Donc on vous expliquera un petit peu ce que c'est. On parlera évidemment de sorties locales, un petit peu aussi, un petit peu plus loin. Et puis, bah voilà, on va parler de soleil, de vacances, de lunettes de soleil. Et voilà, donc ça va être bien cette émission. Ça va être une émission qui est sous la thématique vacances, même si il y a quand même un petit goût depuis un mois déjà, de soleil bien présent sur Nancy, la région, et ça nous fait bien plaisir. On espère que vous n'avez pas trop chaud, hein, par contre. Hein. Vous êtes peut-être encore au travail, effectivement, ou peut-être dans votre voiture, pensez... à un lac, à la piscine, à la mer qui va arriver ce week-end, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, nous, on est là pour vous divertir. Alors du coup, bah, comme je disais, on va commencer donc à jeter un petit coup d'œil en fait sur le retour du combi. Alors François, tu vas nous en parler, et notamment un petit peu son histoire. Alors oui, effectivement, le combi, ça commence comme combinaison, mais ça n'a rien à voir, hein, surtout pas une combinaison de ski. Ça fait 65 ans précisément que l'original de ce superbe concept est né, baptisé Bully par les Allemands, Microbus par les Américains ou Combi par les Français. Il connut le succès sur les 5 continents en quelques décennies. Le premier monospace, on peut l'appeler ainsi, de l'histoire automobile a rassemblé une impressionnante notoriété à travers le monde. Vous l'aurez compris, c'est le petit combi Volkswagen avec lequel on part en vacances sur toutes les routes de France, sur les routes des États-Unis en premier lieu, puisque c'est de là qu'il vient. C'est Ben Pon, industriel donc néerlandais, qui avait besoin pour son commerce d'un véhicule utilitaire, simple, robuste et économique, qui avec un simple croquis sur un petit carnet va faire réaliser les premiers prototypes de ce qui allait devenir fin 49 le type 2. Le combi Volkswagen est la deuxième ligne de véhicules à moteur présentée par le constructeur automobile allemand Volkswagen en 1950. J'ai dit américain, mais je me suis complètement trompé. C'est allemand, effectivement. Pouvant être équipé d'un toit escamotable, d'une cuisine avec un réchaud à gaz, visualisez-le bien, un nom là en tête, on vous le mettra d'ailleurs sur notre page Facebook de l'émission. Un réfrigérateur avec, un petit évier alimenté en eau à l'arrière d'une banquette, c'est simple, un convertible en lit. Il est un précurseur du camping-car et notamment associé à l'époque hippie. Donc c'est la première ligne de véhicule à moteur, donc c'était déjà la coccinelle. Oui, en fait la coccinelle c'était le type 1, ce qu'on appelle, voilà, et c'est pour ça qu'on a appelé le combi le type 2 en fait. Et donc le mot de combi est l'abréviation du mot allemand Kombinationenwagen. Hein, je te laisse le prononcer parce que moi j'ai pas fait d'allemand. Hein, Kombinationenwagen, voilà. Avec l'accent bien sûr de Karl Lagerfeld, vous l'aurez reconnu, que l'on peut traduire par multi-usage et devient donc en France seulement le surnom de la version la plus répandue du Volkswagen, donc type 2. Donc en Allemagne, c'est son pays d'origine. Il est surtout connu sous l'appellation de Bully. Hein, Bully, c'est Bulldog pour la ressemblance de la face avec des premières générations, les Split Windows. Alors oui, parce qu'effectivement, je crois qu'il existe plusieurs générations de combi. C'est vrai qu'il y en a eu pas mal durant toutes ces années. Alors notamment entre 1950 et 1967, le T1 qui était le premier combi. Certains diront le seul et l'unique. Hein, c'est celui qu'on a peut-être tous en tête. Il est caractérisé notamment par son pare-brise séparé en deux parties, d'où son nom de split. Et la première version, jusqu'en 1955, sont également appelées barn door en anglais, porte de grange, en référence donc au capot moteur immense permettant de loger la roue de secours au-dessus du moteur. Alors il y en a un deuxième, bien sûr, entre 1967 et 1979, le T2 surnommé aussi Bay Windows en raison de son pare-brise panoramique qui succède donc au split en 1967. Et il y a eu une troisième version, il y en a eu une quatrième, une cinquième, une sixième, mais pour la troisième version entre 1979 et 90, le T3 aux formes beaucoup moins arrondies, aussi connu sous le nom de T25 ou Vanagon, est lancé en 80 et a été l'un des derniers modèles de la marque à utiliser le moteur air-cooled, donc refroidi par air. Et aujourd'hui, un peu moins recherché que son prédécesseur, il reste quand même un excellent choix, hein, dans sa version camper notamment. Et alors, les derniers modèles, c'est de 91 à aujourd'hui. Donc là, il y a eu le T4, le T5 et le T6. Ces trois derniers modèles ne sont pas dépourvus de qualité, loin de là, mais ne sont pas encore considérés comme des véhicules de collection. De collection, oui. Ils sont un petit peu plus récents. Donc c'est vrai que les combis, bah, effectivement, il y en a pas mal de versions. Donc on peut en trouver dans différents sites, parce qu'évidemment, il faut fouiller. Alors ça dépend si vous voulez acheter un combi ou si vous voulez en louer un, parce qu'effectivement, on peut louer un combi, notamment pour partir en vacances. Si vous voulez acheter un combi, par exemple, il y a des sites qui existent, d'annonces spécialisées, comme le site Flat Forever, des annonces qui sont essentiellement françaises. Vous avez encore le site Bugbus, donc c'est un site d'annonces en provenant de toute l'Europe. Après, voilà, il y a d'autres sites qui existent. Vous avez aussi des spécialistes de vente de combi, comme Vintage Auto House, je ne sais pas si je prononce bien. Vous avez aussi le Vintage Import qui est près de Limoges. Il y a des ventes, vous pouvez aussi y aller pour des réparations de votre combi. Et puis il y a aussi le site qu'on aime un petit peu aussi, c'est Le Bon Coin, où vous pouvez effectivement dénicher des combis d'occasion, des combis à retaper. Voilà. Alors par contre, si vous voulez aussi louer votre combi pour les vacances, alors il y a 69 campers, on peut l'appeler ainsi, ou 69 campers, 70s combi, ou les vieilles qui roulent. Donc là, c'est si vous voulez en ce moment partir sur les routes de France et ne pas franchement avoir envie d'un point de chute bien particulier, mais plutôt pas mal de points de chute pendant toutes vos périples de ces vacances estivales, n'hésitez pas à louer un combi. Alors, on n'a pas les ordres de prix là. Regardez bien sur Internet, il y a toutes sortes de prix. Toutes c'est pour ça qu'on n'en donne pas précisément. Et c'est effectivement à la mode. Alors, il ne faut pas être 50 non plus. Hein. Mais c'est vrai que nous, on connaît quelqu'un qui l'a fait, qui est parti sur les routes avec son petit combi, qui s'est arrêté un petit peu n'importe où, en fait, où il avait envie. Et je pense que ça donne aussi un petit vent de liberté aux vacances. Voilà, on découvre des lieux un peu insolites et des lieux, effectivement, où on ne peut pas s'arrêter, où on ne pense pas s'arrêter, en fait. Et c'est vrai que c'est plutôt pas mal pour les vacances. Quoi. Alors, justement, en plus, si vous avez vraiment envie d'un point de chute particulier, on peut vous proposer, à Saint-Tropez, hein. Ça serait bien, oui. Allez, on va se faire une petite pause musicale, il est 17h08 et on va s'écouter Les Chats Sauvages, Twist à Saint-Tropez, un titre de 1962. Chat Sauvage, Twist à Saint-Tropez sur Fadjet. Un coup d'œil dans le rétro, une fois par mois de 17h à 17h30 sur Fadjet 94,2 en modulation de fréquence. Alors vous l'aurez compris, vous êtes à l'écoute d'un coup d'œil dans le rétro, notre petite mensuelle vintage sur rétro sur Fadjet. Donc on fait tout le tour de l'actualité locale, on parle aussi de la mode, de la déco et ce mois-ci on vous propose aussi des idées de destination hein, pour cet été, des idées de destination vintage. Mais on va faire donc du coup un tour du côté de la mode et notamment le grand retour du look gypsy. Oui, alors effectivement, François, comme tu disais, le look gypsy, alors, il fait son grand retour. Alors, ça n'a rien à voir, je pense, avec la musique actuelle qu'on entend un petit peu partout, un petit peu souvent, au niveau du chanteur Gypsy connu. King, oui, enfin, c'est, il y a un peu plus jeune, celui-là, qui chante en ce moment un peu gypsy. Gitano. Oui, ça, voilà. Gitano, ça. Non. Moi, je voulais vous parler, effectivement, du look gypsy. Alors, plus de 40 ans, effectivement, ont passé. Et pourtant, les années 70 influencent, toujours la mode. Cet été, et plus que jamais, les 70s attitude, la 70s attitude fait son grand retour fracassant dans nos dressings. Alors que vous parliez de tendance hippie, comme on a parlé tout à l'heure, bohème, gypsy ou gypsette, parce qu'évidemment, gypsette, on peut dire comme ça, d'accord. Peu importe, donc un vent de liberté vogue dans nos looks d'été. Toutefois, même si le mot gypsy est un mot anglais qui signifie gitan, on l'a dit tout à l'heure, la bohème attitude en fait se veut un peu moins baba cool cette année par rapport aux étés précédents, un peu plus chic, un peu plus, comme on dit, preppy. Donc c'est pourquoi, même si ce style accepte toutes les nuances un peu, j'ai envie de dire, d'arc-en-ciel, un petit peu coloré, il faut quand même éviter les mélanges intempestifs de couleurs et d'imprimés qui frôleraient un petit peu le ridicule. Faut pas non plus ressembler... C'est ça, s'il y a trop de couleurs, parce qu'en règle générale, on dit quand même pas plus de 3 couleurs, mais là, le look gypsy, c'est quand même assez coloré. C'est un peu coloré, effectivement, mais il faut quand même rester un petit peu sobre, un petit peu chic. Je dirais que la recette idéale, en fait, c'est mixer un petit peu la juste dose esprit un peu Woodstock à une tenue un peu de ville, un petit peu plus classe. Alors j'avais quelques idées de look gypsy donc à vous proposer, avec notamment le pantalon flair, je ne sais pas comment on dit. Donc, c'est flair, je crois, non? Flair. Oui, sans doute. Donc alors je sais pas si vous voyez ce que c'est. En fait, c'est un pantalon qui est inspiré de l'allure des cowboys du Grand Ouest américain. En fait, il est un peu moins évasé que le pas de def, pour le décrire un petit peu à nos auditeurs. Il affine la cuisse et met en valeur donc un petit peu toutes les silhouettes. Donc c'est vrai que c'est une bonne pièce à avoir dans son dressing. Vous pouvez l'associer avec une blouse ample et vaporeuse, donc ça les filles le savent très bien où en trouver. Au niveau des chaussures, vous pouvez, et c'est vrai que c'est quand même la mode et on en voit encore pas mal sur les pieds des femmes, les plateformes avec des semelles en bois, liège, cuir ou daim, les chaussures compensées. Le principal, j'ai envie de dire, c'est d'être stable mais au perché, parce qu'effectivement ça allonge et affine la silhouette. Vous pouvez aussi rajouter une capeline, dont d'ailleurs on avait parlé aussi lors d'une émission dans un coup d'œil dans le rétro, des lunettes un petit peu mange-visage, un petit peu comme celles que j'ai en fait sur la photo de la page Facebook, qui sont assez grosses, rondes, voilà, comme ça, qui mangent le front et qui mangent les pommettes. Et enfin, évidemment, si vous voulez avoir ce look un petit peu gypsy, donc le soir où il fait un petit peu plus frais, vous pouvez aussi enfiler une veste en daim à franges, parce que c'est vrai que les franges sont un peu incontournables cet été. Alors si vous faites ça, les hommes, vous, donc c'est Walker Texas Rangers, mettez des coups de pied rotatifs. Il manque plus que le cheval et c'est parti. Mais parce que finalement, est-ce qu'on a les hommes, nous, un look gypsy à arborer? Alors vous pouvez effectivement, je pense, les hommes avoir un look gypsy, notamment avec une chemise un peu colorée, une chemise un petit peu à fleurs, vous savez, avec un col un petit peu large. Après, il faut pas non plus que ça fasse chaîne en or, la grosse bague. Les premiers blue jeans un peu clairs aussi. C'est vrai que c'est un look qui revient aussi pour cet été et qui est un peu intemporel. Donc ça peut changer un petit peu. C'est moi, j'aime bien, c'est sympa, je trouve. D'accord. Donc c'était le conseil mode pour cet été et celui qui revient en force, hein, parce que l'été commence. Hein, on est que mi-juillet, même oui, si ça passe très très vite. Profitez un maximum de cet été. Faites-vous plaisir au niveau des tenues rétro, des tenues colorées, parce que c'était de la couleur avant, effectivement. Même si aujourd'hui il y en a aussi beaucoup. Hein, il y a un retour de la couleur dans les vêtements modernes, on va dire. Mais à l'époque, on osait beaucoup plus. Allez, on fait une petite pause musicale avec une reprise. De The Baseballs et Poker Face. Poker Face, c'est de qui? Alors, Poker Face, c'était de Lady Gaga. Et The Baseballs, c'est du rockabilly. I wanna hold them like they do in Texas, please. Phone them, let them hit me, raise a baby, stay with me. Locking into intuition, play the cards as spades to start. And after she's been hooked, I'll play the one that's on her heart. Poker face, but poker face. I'm gonna roll with her, a hot pair we will be. Woo! A little gambling is just fine when you're with me. Pushing the ladder's not the same without a gun. Baby, if it's love that isn't rough, that isn't fun. Poker face, but poker face. I've got her heart, show what I've got. Poker face, but poker face. I've got her heart. Poker Face sur Fadjet. Un coup d'œil dans le rétro, une fois par mois de 17h à 17h30 sur Fadjet 94,2 en modulation de fréquence. Allez, il est 17h17 précisément, vous êtes à l'écoute de Fadjet. Et c'est la dernière émission, ce qui concerne coup d'œil dans le rétro, pour cette saison dite régulière. En mois d'août, nous fermons les portes de la radio. Bien sûr, ça commence, ça continue, pardon, de tourner. Mais nous ne sommes plus dans les locaux et on reviendra, bien sûr, en septembre. On vous donnera la date à la fin de cette émission. Alors, on passe à notre troisième chronique. Et là, on vous donne des petites idées pour tout simplement partir en vacances. Et notamment, eh bien, le camping rétro, hein. Là, on est en plein dans la thématique. Et donc, ce camping rétro. Rétro. Où ça se situe, le camping rétro? Où ça se situe? Ah oui, parce que tout à l'heure, effectivement, on vous parlait du combi. On avait envie de vous dire qu'en France, il existe des campings rétro. Si vous avez envie de replonger dans l'ambiance un peu camping d'antan, de loger le temps de vos vacances dans une vieille caravane à la déco vintage, il existe en France de nombreux campings rétro, vintage. Alors, pour des vacances insolites et authentiques dans une ambiance 70s, vous pouvez, par exemple, aller au camping qui s'appelle L'œil dans le rétro. Voilà, c'est nous qui l'avons créé. On est aussi propriétaire du camping. Voilà. Non, mais L'œil dans le rétro, effectivement. Non, qui se situe donc dans la Sarthe où vous pouvez choisir vos caravanes rétro. Parce qu'effectivement, ils ont un large choix de caravanes. Alors, ça va un petit peu peut-être résonner dans la tête des puristes. Il y a des caravanes telles que l'Averne 400 GL, la Dick Coronet. J'aime bien ces noms. C'est toujours des noms un peu. Voilà, donc ils ont plein de caravanes. Vous pouvez réserver votre caravane, la choisir, aller passer du temps dans ce camping. Et là, je pense que c'est le dépaysement le plus total. Alors, effectivement, donc là, c'est près du Mans. Si vous avez envie de descendre un peu plus au sud, il y a aussi Belle Repère, hein, qui est un endroit chaleureux et convivial, où il y a ce petit côté rétro dans l'air, et notamment, on l'a vu sur l'émission Camping de M6 dernièrement. Qui est passé il y a pas longtemps. Ouais. Voilà, donc c'est le parc qui est au milieu d'une campagne vallonnée. Donc, il s'appelle Belle Repère. C'est face à la chaîne des Pyrénées, et vous offre une vue panoramique des couchers de soleil aussi fantastiques les uns que les autres. Si c'est style vintage que vous aimez, c'est l'endroit incontournable où séjourner. Alors venez expérimenter la vie dans une caravane vintage authentique. Vous connaissez aussi forcément les caravanes Airstream. Est-ce que tu connais ? Alors, moi je vois dans ma tête une forme de caravane. Maintenant, je ne sais pas si ça correspond à ce nom. Explique-nous. Effectivement, c'est des caravanes emblématiques des années 40 à 60 aux États-Unis, donc en Amérique. Une caravane a de forme arrondie, faisant appel donc aux technologies de l'industrie aéronautique avec une structure en aluminium. Donc tu vois, c'est c'est ce que j'imagine. Ça ressemble à un petit médicament. Et la recherche d'aérodynamisme. Et donc, si vous avez toujours rêvé de passer quelques jours dans ces caravanes rétro, eh bien, tout simplement, vous pouvez vous rendre là-bas. Alors chacune des caravanes Airstream, il y en a une dizaine en location, qui est nichée dans son propre jardin paysager avec une grande variété d'arbres, d'arbustes et de fleurs. Et si vous êtes même les heureux propriétaires d'une caravane Airstream, vous avez aussi la possibilité, aussi même d'une caravane rétro ou d'une tente rétro, eh bien de choisir des emplacements grand confort qui sont à disposition. C'est vraiment un endroit de passionné. Il suffit simplement d'aller sur Google et vous tapez Belle Repère et vous trouverez directement le camping rétro. Alors il en existe aussi bien sûr partout en France, et aussi vous pouvez aussi adhérer à l'association Le Rétro Camping Club de France, qui a été créé lui en 95 et qui a pour but de sauvegarder et d'utiliser les matériels anciens de camping et de caravanes et d'organiser aussi des rencontres et des sorties dans les campings agréés. Essentiellement, c'est le rétro. L'été, c'est souvent du camping, c'est lié au camping, effectivement. Oui, c'est vrai, mais c'est vrai qu'il y en a de plus en plus. Et je pense que c'est bien de faire partie d'une association parce qu'en fait, les gens s'entraident, que ça soit dans la réparation des automobiles et en fait se réunissent, il y a des sorties aussi nationales qui sont faites et un petit peu avec les pays limitrophes tels que le Luxembourg, la Belgique et c'est sympa quoi de faire partie d'une association comme ça quoi je trouve. Et la plupart du temps c'est de toute façon des passionnés et des amoureux de cette époque rétro et vintage et nous on fait partie de ces passionnés là. Oui, c'est vrai. On fait partie de ces passionnés et on est passionné de Serge Gainsbourg pour cet écrit sur la peau, une de ses chansons, une très connue, si Sex and Sun, et là, ça, on va profiter tout l'été, bien sûr. Le soleil au zénith. C'est sûr, tu es un hit. Voici Sex and Son de Serge Gainsbourg. Un coup d'œil dans le rétro, une fois par mois de 17h à 17h30 sur Fadjet 94,2 en modulation de fréquence. Alors effectivement, tu le disais hors antenne, c'est quand même une chanson typique des vacances. Ça fait penser au soleil. En plus, on rencontre, que ça soit amical ou amoureux, c'est vrai que cette chanson, moi, ça me rappelle plein de souvenirs. C'est vrai, effectivement, et en plus, elle est assez langoureuse comme ça, assez lente, et ça donne envie de profiter de far niente. Voilà, Serge Gainsbourg. Et donc, on va poursuivre cette émission, un coup d'œil dans le rétro. Il est 17h25 précises, 5 dernières petites minutes de cette saison dite régulière d'un coup d'œil. Et on va poursuivre avec les sorties. Il y en a quelques-unes quand même si elles s'amenuisent un petit peu en ce mois de juillet, en cet été sur Nancy les environs. Il y a quand même quelques sorties à faire. Oui, alors effectivement, les sorties sont un peu plus light cet été en juillet-août parce que les gens partent. Quoi qu'il en soit, vous pouvez quand même aller danser tous les vendredis donc de cet été de 19h à 22h donc à la pépinière à Nancy. Vous pouvez aller danser sur tous les rythmes, que ça soit latino, que ça soit twist. Vous pouvez avoir des initiations aussi de danse. Donc je vous invite à y aller. Je vous rappelle, c'est les vendredis de 19h à 22h. Il y a aussi un petit concert des Betty Dots au Classico, bar à Nancy. Donc c'est le samedi à 21h pour une ambiance rock des années 70. L'entrée est libre et donc effectivement elle est toujours dansée, c'est un peu le but principal. Il y a aussi un rassemblement, non? Oui, alors aussi un rassemblement de voitures anciennes et sportives, donc c'est quand même un événement assez régulier. Donc là ça sera le prochain, donc le dimanche 26 juillet, donc pas ce week-end qui va arriver mais l'autre, au château de Lunéville, donc de 10h à 13h. Donc c'est au hasard des passages, hein, c'est-à-dire que les voitures passent, s'arrêtent peut-être, mais c'est voilà, elle reste pas figée pendant 3 heures en fait. Hein, oui. Donc voilà. Mais après, je crois que c'est tous les 15 jours ce genre d'événement, donc vous pouvez si vous n'y loupez le dimanche 26 juillet, vous pouvez y aller le dimanche 15 jours après. En fait. Suivant. Il y a aussi bien évidemment, sans oublier toutes ces brocantes de cette période estivale. Donc là, en l'occurrence, il y a aussi toujours les puces en vieille ville à Nancy. Et il y a aussi, donc renseignez-vous sur le site videgrenier.org. Oui, c'est ça. Oui. Et donc là, vous aurez l'agenda des vide-greniers et des brocantes de cette période plutôt sympathique de l'année. Nous, en ce qui nous concerne, ça commence à pointer le bout de son nez, si j'ai nommé les vacances. Ouais. Alors n'hésitez pas à nous suivre, on va aussi remettre tout ce qu'on a parcouru tout au long de cette émission-là, un petit peu nos petits clins d'œil sur la page Facebook de l'émission, coup d'œil dans le rétro Fadjet 94.2. Donc on mène au bon plan, on va mettre tout ce qu'on a dit aujourd'hui pendant cette émission, et des petites photos aussi de vacances, hein, les petites, n'hésitez pas, vous, si vous avez la possibilité d'en mettre aussi, ça nous fera vraiment plaisir, de pas forcément vintage, hein, mais aussi de photos de vos vacances, comme ça on se sent un petit peu soutenu pour cette émission qui reprendra son cours à la rentrée en septembre, peut-être sur un autre format un petit peu plus long avec des invités divers et variés. On va voir ça à la rentrée sur Fadjet, et puis bien sûr faut profiter de l'été, c'est le principal. Alors normalement en septembre, je crois qu'on se retrouve le 18 septembre. Le 18 septembre, ça doit être ça. C'est la prochaine émission, c'est le 18 septembre. Oui. On vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Il est bientôt 17h30, c'est tout de suite ambiance estivale. En ce qui nous concerne, à bientôt les amis. Oui, moi je voulais vous souhaiter de bonnes vacances. Faites-le plein de soleil, de rencontres, de détente et revenez frais, dispo en septembre. On va attendre un peu avant la rentrée. Hein. Profitez, les programmes aussi continuent sur Fadjet. Bonne journée à tous, bonne soirée, à bientôt. Bisous, ciao. One for the money, two for the show, three to get ready. Now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Well, do anything that you want to do, but not, honey, lay off them shoes. And don't you step on my blue suede shoe.